Wish City, le palais. J'aime cette salle, j'aime la grande salle, la cour d'honneur de notre grand palais. Regarde, ma fille, tous ces Baufwish qui se tuent à la tâche pour que resplendisse cette salle lors de la nuit des masques. Oui, père, je vois bien, ils se tuent à la tâche. Tu seras belle ce soir-là, ma fille. Un Baufwish, jeune et beau, noble, viendra à toi, le visage masqué lui aussi. Et vous danserez jusqu'à l'heure du grand spectacle où nous célébrerons par un final époustouflant l'anniversaire de Wish City. Et le vôtre, père. Oh, tu n'as pas oublié, comme c'est touchant. Comment ne pas oublier, père? Vous l'avez affiché partout. Attention, la poutre! Mettez plus de guirlandes ici, plus de guirlandes! Waouh! Hey, t'as failli tomber de l'échafaudage, gars! Fais gaffe! Ouais, j'ai de la chance, on dirait. Pas pour autant que tu voudrais le croire. Infirmier ! Infirmier ! À Wish City, on préparait l'anniversaire, la grande nuit des masques. Et dans les galeries, Booz et moi mettions en place les instruments d'une toute autre fête, celle des rats. Galerie 25G à la frontière nord du territoire Baufwish. Depuis plus d'une semaine, nous passions nos heures de détente à construire un gigantesque piège à rats. De la dynamite ici et là, des plaques de fer, des poutres, des cordes à de nombreuses entrées de tunnels. Tout ça dans le seul but de mener les rats jusqu'à la galerie est, là où se trouvait le grand trou, et les y enfermer. Tu crois que ça va marcher ? Booz serrait une corde autour d'une poutre en hauteur. Il sauta à pieds joints sur le sol. Hein ? Tu crois que ça va marcher tout ça ? J'ai regardé notre assemblage hétéroclite de bois, de métal, de poudre. Tout ça sur de la roche humide. L'humidité, elle pouvait tout faire foirer, cette foutue humidité. J'espère. Qu'est-ce que je pouvais répondre de plus ? Une petite troupe qui courait dans un tunnel. Je l'attrape par la tête. C'est quoi ça ? Une voix qui chante. Oui, ben ça, je sais bien que c'est une voix qui chante. Je suis pas un gros et stupide. Eh, j'ai jamais dit que... Et puis on va pas recommencer la discussion de l'autre soir. Tu fais ça rien pour que je te dise que t'es pas gros et stupide. Non, même pas vrai. D'abord, je suis gros et stupide. Oh, commence pas. La voix provenait de derrière une légère courbe du tunnel, là où brillaient fébriles deux torches qui se faisaient face. Une ombre gigantesque apparut peu à peu. L'ombre. L'ombre d'un Baufwish. Oh, par le grand bâtisseur, j'ai si mal à la tête. Si mal. On dirait... Ouais, moi aussi c'est une voix que je connais. L'ombre avançait pour finalement rapetisser comme happée par la silhouette qui la suivait. Une silhouette titubante. Une silhouette qui, un mois plus tôt, aurait paru fière et prétentieuse. La silhouette d'un bâtisseur. Rosencraft. Oh ! Rosencraft ! Rosencraft s'est avancé lentement, hésitant. T'avais pas dit qu'il avait été mangé par les rats ? Ils ont pas dû le digérer. Pouah, tu m'étonnes ! C'est bien toi, Squeak ? Oh, si c'est toi, Squeak, fais-moi un signe. Fais-moi un signe que mon cœur réponde présent. Fais-moi un signe des super. Attends. Oh non ! Il est devenu chunky ! Il chante comme une brêle. Nous ne bougions pas. Pourquoi comment Rosencraft avait pu survivre au rat et surtout ne pas réapparaître depuis deux semaines? Qu'avait-il pu lui arriver? J'ai ramassé une pioche posée contre notre chariot. Booz a fait de même. Mieux vaut être prudent. J'y décapsulerai bien la tête, moi. Il a l'air pas bien, Booz. Ouais, bah, il m'a jamais paru bien, de toute façon. Oui, Booz, bah... Il avançait dans la pénombre et... Son visage est apparu à la lueur d'une torche, blafard, les veines palpitant sous sa peau blême. Ses bras, ses jambes étaient tellement maigres, il n'avait presque plus aucun muscle. Je suis fatigué. Il est tombé sur le sol, face contre terre. Non, il tient plus debout. Faut le ramener à Wish City. Mais Squeak, c'est Rosencraft. Rosencraft ou pas Rosencraft, c'est toujours un Baufwish. Qu'avait-il pu lui arriver ? Bye, Fouiche.